On va discuter de Main-sur-Loire, du château de Main-sur-Loire et de plusieurs livres sortis avec... Avec Evelyne Brighton qui est là. Bonjour Evelyne. Bonjour. Elle a été effectivement propriétaire et elle a réveillé le château de Main-sur-Loire il y a quelques années. Oui. Elle en a gardé plus qu'un souvenir. Ça fait partie de sa vie complètement et ça lui a inspiré entre autres trois livres autobiographiques, peut-on dire, qui s'appellent Je m'absente, Un jour auquel je ne m'attendais pas et le dernier volet c'est Et si c'était arrivé. Et puis elle nous parlera des volets qui vont suivre également puisque c'est presque une saga qu'elle nous a raconté dans ses livres. J'ai hâte d'en parler avec elle. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Evelyne Brighton, qui est avec nous dans les studios. Bonjour Evelyne. Rebonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et qui a signé le début d'une saga, parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Elle nous le confiera tout à l'heure. Avec ses trois ouvrages. Le premier, ça s'appelle Je m'absente. Puis Un jour auquel je ne m'attendais pas. Et le troisième volet, c'est Et si c'était arrivé. C'est signé Evelyne Brighton. Alors bien sûr, ces trois ouvrages ne sont pas dissociables du château dans lequel vous avez vécu pendant 15 ans ? 10 ans. 10 ? Moi, j'agrandis parce que vous en parlez tellement bien qu'on pourrait 10, 20, toujours, depuis toujours. Oui, c'est ça. En tout cas, 10 années passées dans le château de Main-sur-Loire, oui. Ici, à côté oui. d'Orléans. Bien sûr. Le premier volet, on va essayer de les filer rapidement pour donner déjà l'envie de les lire. On ne va pas tout déflorer parce qu'il y a plein de choses au fil de ces trois ouvrages dont il ne faudrait pas parler pour ne pas découvrir l'essentiel de tout ça. Mais je dirais que le premier, ça serait une naissance. Oui. Intérieur, oui. Une découverte, oui. Une deuxième, une certaine force puisée dans ce château, quelque chose de peut-être, en tout cas extraordinaire qui se passe là-bas et qui s'est passé en vous avec lui. Et puis dans le troisième, curieusement, ce château, il est à peine décrit dans les deux premiers. Il est là en filigrane, oui. Il est derrière, on sent qu'il est très très très important, qu'il est presque comme une personne. Et là enfin, dans le troisième, hop, on va le découvrir plus en détail, il va y avoir ses descriptions, on va y être vraiment. Tout pourquoi avoir ça. Attendu le troisième c'était difficile d'en parler du château, pas puisque du vous l'avez quitté depuis ? Non, pas du tout, c'est parce que, en fait, excusez-moi, j'ai pas pris le micro. Je devais, en fait... Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà d'écrire ces trois ouvrages ? Pourquoi avoir écrit sur le château ? C'est ce château-là qui vous a donné l'envie ou vous aviez l'envie d'écrire depuis bien avant ? Non, c'est les gens de la région qui m'ont donné et qui m'ont toujours demandé d'écrire sur le château de Main-sur-Loire. Alors, vous, on va rapidement, par rapport à votre vie, vous avez une vie complètement atypique et une enfance surtout marquée avec une maman dépressive pour autant et puis un père violent. Oui, mais je n'ai jamais connu. Un petit frère disparu ? Un beau-père ? Un petit frère disparu, oui. Décédé. Et tout ça, ce qui est chargé, c'est ce qui vous a construit aussi, vous ? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, les épreuves de la vie, ça permet d'avancer, hein, quelque part. Alors, on parlait de naissance dans le premier ouvrage, « Je m'absente », parce que vous vous êtes absenté de ce château, il fallait le quitter ? Oui, absolument. Des fois, il vaut mieux partir pour mieux revenir. Il vaut mieux partir pour mieux revenir, parce que... Et vous, quand je dis naissance, c'est que ça a correspondu, cette appartenance au château, cette vie là-bas aussi. Vous aviez la naissance de vos enfants, vous aviez tout ça qui était en train de naître. Et les petits-enfants. Et les petits-enfants, oui, toute cette famille était en train de s'étasser. Quels souvenirs vous gardez de ce château, de cette installation au château qui a été compliquée également ? L'installation proprement dite, c'était surtout le devenir de ce château et surtout innover toutes les activités quand on est arrivé, puisque d'emblée je l'ai baptisé château de visage, puisqu'en fait il a deux façades complètement distinctes. Et puis ensuite c'était de le remeubler et puis surtout de faire de gros travaux pour que les gens puissent voir le maximum de pièces. Qu'on resitue, vous entrez en quelle année dans le château de Main-sur-Loire ? En 2000, il est dans quel état à cette époque-là ? Il est dans un état, les personnes visitent une dizaine de pièces, 15 pièces exactement, et puis ensuite nous on en ouvre à peu près une quarantaine. Alors qu'il en reste encore, au total, il y en a 131. Qu'est-ce qui fait que vous avez le coup de foudre pour ce château ? C'est comme un appel. Comme un appel ? J'ai visité une fois et puis j'ai demandé à voir le propriétaire qui m'a confirmé qu'il n'était pas à vendre. Et je lui ai simplement dit que je le voulais, je l'aurais et je l'ai eu. Ça, c'est bien. Alors, la suite, ça va presque être... voilà, c'est presque un polar, hein, votre premier ouvrage, Je m'absente, Evelyn Brighton, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, l'installation dans ce château. Oui, c'est très compliqué. On vous met des bâtons dans les roues. Alors, je vous cite. Avant de nous quitter, il me donne une information consternante. Là, on parle du monsieur qui est resté dans le château, qui était là à l'entretenir, et puis qui a des attitudes, on va dire, pour le moins bizarres, qui veut vous effrayer dans ce château. Mmh. Et là, selon ses dires, des ossements qui se trouvent à même le sol dans les souterrains seraient l'œuvre de Francis, ce fameux Francis, qui les a récupérés dans un cimetière en mutation pour nous faire peur et amuser les visiteurs. Oui, tout à fait, c'est ridicule. Oh là là. Ah oui, dis donc. Non, c'est la première chose qu'on ait fait en famille, c'est qu'on a tous, mis des gants blancs, mais on est tous descendus dans les souterrains et on a ramassé tous les ossements. Qui n'appartenaient pas du tout au château. Pas du tout, qui n'avaient aucun rapport. Aucun rapport, parce que mon fils... Non. Et en fait, mon fils a fait des effets spéciaux, a mis d'autres choses, beaucoup de lumière, beaucoup de choses assez agréables avec la technologie actuelle. Mais on a enlevé tous les ossements des personnes qui pouvaient être les nôtres, hein, c'est-à-dire de notre famille. Hein. Bien sûr. Mmh. C'était quoi la difficulté, justement, de s'installer dans ce château? Pourquoi? Pourquoi c'était si difficile? En fait, l'ancien propriétaire, lui, considérait que, enfin, quand il n'a pas compris, c'est qu'une femme, elle n'a pas seulement qu'une apparence de femme, c'est qu'elle peut avoir la tête un peu bien faite. Il n'a pas compris quand il m'a vu débarquer avec ma salopette et mes outils. Il s'est dit, qu'est-ce qu'elle veut? Il m'a demandé d'aller prendre de thé plusieurs fois, mais elle a une lubie, elle n'y arrivera pas. Je ne suis pas là pour prendre de thé. Donc voilà, et j'ai mis en œuvre tous les travaux d'urgence qu'il fallait faire pour que les gens puissent accéder des greniers. Les souterrains, ils avaient déjà accès, mais des greniers à d'autres pièces qu'ils n'avaient pas accès encore. Et vous y avez réussi, puisque le château devient, au moment où vous y êtes, vous avez la joie. Vos yeux s'emplissent de larmes, dites-vous, dans votre ouvrage. Le château est classé monument historique. Vous l'avez vécu comment, ce moment-là? Le moment du classement, je l'ai eu en 8 jours, suite à un coup de téléphone au ministère de la Culture et une personne d'Orléans qui m'a aidé à le classer en 8 jours. Quelle histoire il a, ce château, très vite? Si on devait relever les grands événements, les grands personnages qui l'ont habité. Et vous avez Jeanne d'Arc. Voilà, et puis vous avez tous ces illustres personnages qui sont décrits dans le livre, qui sont très très importants pour l'histoire du château de la Sauvoire. Dont celui qui a son cachot, entre autres. Oui, mais bon. Mais ça, c'est anecdotique presque, par rapport à ça. Oui, parce que les soi-disant salles de torture, c'est pas des salles de torture, c'est des celliers sous roche. Donc voilà. On s'est fait une légende aussi de ce château parfois. Oui, bah disons, en fait, des personnes font leurs histoires, mais bon, il faut quand même faire confiance à la DRAC et aux personnes qui travaillent dur pour ce genre de choses. On ne peut pas dire n'importe quoi sur un château non plus. Non, alors ce château, vous le connaissez bien. L'autre éminent personnage qui y a vécu, c'est vous, Evelyn Brighton. Oui, avec ma famille. Et alors là, vous ne vous êtes pas arrêté au premier ouvrage, Je m'absente, puisque non. Là, vous le quittez, ce château. Oui. La mort dans l'âme. Ah, c'est presque quitter un être cher. Ah, complètement, oui. Pour moi, c'est quitter une famille. Vous en étiez obligé, c'était... Oui, c'était obligé, oui. On va dire que c'était un enjeu financier quand même qui était difficile à relever. Il n'y avait pas que ça. Parce que la banque ne voulait pas que je parte, mais il fallait que je parte pour mieux revenir, sans doute, peut-être. Mm. On ne sait pas. Et pourtant, vous avez eu des aides aussi, hein, des gens qui vous ont suivi énormément, ça, il faut le rappeler. Monsieur Deligé m'a énormément aidé, parce que c'est lui qui a fait beaucoup de choses pour le château. J'ai eu des panneaux sur autoroute grâce à Monsieur Deligé. Non, j'ai eu beaucoup d'aide, énormément d'aide. Vous le quittez en quelle année, ce château? En 2010. En 2010, ça fait seulement 7 ans? Oui. 7 ans, c'est le chiffre de la magie. Vous aimeriez que la magie opère et vous fasse un jour récupérer le château? Oui, peut-être. C'est ça votre rêve aujourd'hui? Oui. Et en attendant, vous écrivez tous ces ouvrages? J'écris pour le château. Comme un hommage, ces ouvrages? Ah oui, complètement, pour lui, pour le château, oui, absolument. Oui. Alors, ce château vous a empli d'une force assez extraordinaire, et ça, on le ressent dans votre deuxième ouvrage, Un jour auquel je ne m'attendais pas. Evelyn Brighton, c'est quoi cette force qu'il dégage, ce château? Est-ce que vous y avez puisé? Non, je suis déjà née comme ça. Hein. Dans un château, peut-être, d'ailleurs. Je suis déjà née comme ça. Je suis tombée dans le chaudron. Hein. Vous avez des mystères sur... Dessus, comme disait mademoiselle tout à l'heure, plus je rebondis, plus haut. Hein. C'est ça. Et justement, voilà. Vous avez aussi des mystères, aussi dans des inconnus de... Ah oui, complètement, oui. Oui. Tout et des fait. Questions de peut-être un avant ou de la famille qui serait liée aussi au monde, au châtelain. Oui, tout à fait. Absolument. En Angleterre, éventuellement. Éventuellement en Angleterre, oui. Vous avez avancé là-dessus? On verra dans le quatrième. Je suis en train de faire le quatrième, là. Alors justement, je vous cite, hein, dans votre deuxième ouvrage, Un jour auquel je ne m'attendais pas, vous dites « Cette petite lumière qui m'éclaire dans les moments les plus sombres et qui me rappelle même dans la pénombre qu'il faut garder l'espoir, il manque tout courage à garder la foi. » Oui. Ça, vous ne l'avez appris nulle part, cette petite lumière. Non. Alors comment on pourrait la donner à des gens qui ne l'auraient pas là aujourd'hui tout de suite ? Ça se transmet pas. Ça se transmet pas ? Oui, ça ne s'invente pas ? Non. Bon. On est comme ça, quoi. Ça se ressent. Ce château, c'est comme une famille. Et vous écrivez, si j'avais pu encore faire davantage pour ce château, je n'aurais jamais hésité une seule seconde, même si cela peut paraître étrange, que je puisse l'aimer tout comme une famille. Ah oui, complètement. Oui. Vous y êtes toujours autant attaché. Ah oui, complètement. D'ailleurs, ce que j'ai dit au sphère de la région et de Paris, c'est pas parce que je le quitte que je ne l'aime pas. J'adore ce château de Main-sur-Loire. Plus que n'importe quel autre, on vous proposera un autre château là maintenant tout de suite. On en a proposé plein. Et alors ? Non, c'est pas encore. Non. On a proposé plein. C'est comme un amant terrible, elle ne parvient pas à l'oublier. Alors notre chanteuse, comment on peut l'oublier ? C'est votre chanson ça. Tout à fait. Eva Kiss, aide-moi à l'oublier. Vous allez chanter la chanson avec Eva Kiss, aide-moi à l'oublier. J'ai pas du tout envie qu'on m'aide à l'oublier. J'oublierai jamais. Non. Vous n'avez pas envie d'oublier. Et dans votre troisième ouvrage, tous ces trois-là sont sortis, hein, je le rappelle, aux éditions Baudelaire. Evelyn Brighton, vous signez le troisième ouvrage de cette saga, Et si c'était arrivé. Mm-hmm. Et là, dans celui-ci, cette fois, alors le château, on le découvre un peu plus, on le décrit un peu plus. Pourquoi tout d'un coup il arrive vraiment au devant de la scène ? Parce que j'avais d'autres choses à dire dans les deux autres, en fait. Et j'ai préféré faire progressivement, tout doucement. Voilà, les écrits. J'ai une petite question, est-ce que je peux me permettre à vous poser, madame. Pour quelle raison vous l'avez-vous quitté réellement ce... Apparemment, vous l'avez quitté malgré vous. Oui, mais j'étais obligée et contrainte de le quitter, pour beaucoup de raisons. D'accord, qui vous sont apparemment personnelles et assez chères. Oui, complètement. D'accord, je comprends mieux. Voilà, et pourtant, je la cite toujours dans son troisième ouvrage, dernièrement au cours d'un dîner, un ami de longue date me fait la remarque suivante, plus on te tape dessus, une façon de parler, plus tu rebondis, tu as comme un cercle autour de toi qui te protège. Les personnes qui portent la lumière finissent toujours par se rencontrer. Oui, c'est vrai. Car le reflet de ce que tu projettes sur l'autre revient vers toi. Oui. Waouh. Ça, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai que les personnes qui échangent une lumière se rencontrent. Vous le sentez, ça ? Oui. Oui ? Oui. Bon, il y en a des lumières autour de nous, là ? Oh, je pense que oui, quand même. Pas mal. Est-ce qu'il y a un côté mystique, en fait, par rapport à votre château ? Est-ce que vous avez fait... Parce que moi, j'adore tout ce qui est un petit peu... paranormal. Voilà, paranormal. Est-ce que vous en avez rencontré un petit peu dans votre château, justement ? Est-ce que ça ne serait pas un petit lien, justement, qui vous raccrocherait à ça ? Ah, non, vous ne l'avez pas senti ? J'ai jamais rien ni vu. Oui. Heureusement, parce que je suis peureuse. Mais peut-être rien ressenti. Entendu, senti. Oui, odeurs, senti. Les odeurs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et une protection, comme si il pouvait ne rien vous arriver là-bas aussi. Ah oui, vous ressentiez comme... Votre attachement, c'est peut-être de ça, finalement. C'est peut-être une présence en fait dans le château vous a appelé et qui vous a allé dans les souterrains, les greniers partout, promener même dans le ventre. Justement, et d'ailleurs, vous le dites, dans certaines pièces du château, c'est exactement ce que dit Mélanie Dis, dans certaines pièces du château surviennent parfois des manifestations différentes que l'on ne s'explique pas, quand même. Il y a un côté surnaturel. Comme des odeurs de fleurs ou d'encens qui sont toutefois agréable à inhaler. D'ailleurs, ça peut être dans notre imagination. Est-ce que le cerveau peut aller jusqu'à fabriquer ça parce qu'on se fait justement un imaginaire autour de lieux comme ça chargés d'histoire ? Je sais pas. Je pense qu'ils sont vraiment chargés d'histoire. Donc je pense qu'ils se sont imprégnés quand même de tout ce qui est entre des personnes ont senti. Hein. J'étais pas toute seule. Oui. Moi, je rejoins un peu je rejoins un peu ce que vous dites. Moi, je crois un petit peu à ça, à tout ce qui est ésotérique. En fait, je pense que justement, il y a dû avoir des âmes qui sont restées là-bas, des énergies, et peut-être que vous les percevez, alors que d'autres ne les perçoivent pas. En fait, c'est un don, ça c'est pas donné à tout le monde, je crois. C'est ressourçant en tout cas. Oui, c'est ça. Je sais pas. En fait, je dis bien. Moi. C'était des bons esprits. Ah oui, mais si vous dites apparemment, je crois que c'est des bonnes énergies. On appelle ça des bonnes ondes, des bonnes énergies. Ouais. Et le château de Main-sur-Loire, vous disiez tout à l'heure en introduction, c'est un château aux deux visages. Pourquoi ? parce que vous avez la partie médiévale côté nord et de l'autre côté, côté sud, entièrement 18e, façade rose. Que l'on voit très nettement en architecture d'ailleurs, il y a une différence, un château assez exceptionnel pour ça aussi. Et toute la partie mobilière, je l'avais accentuée dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous aviez la partie médiévale, mobilier médiéval, un peu plus russe, et puis de l'autre côté, beaucoup plus raffiné côté Loire. Il vous arrive d'y retourner ? Ah ça, c'est un non. Non. Okay. Jamais. D'accord. Pas comme ça. Alors cet hommage va se poursuivre dans l'écriture. Oui. Le quatrième volet de cette saga est en train. En 2018 maintenant. Ces trois-là sont sortis en un an et demi. On peut en avoir un. Ah, rien du tout. Ah maintenant, faut pas gâcher la surprise. Moi, ça c'est clair. La seule chose que je peux dire, c'est que je pars en Écosse. Il suffit de lire le dernier pour savoir que je passe la mer et je vais en Écosse. À partir de là, voilà. Bon, tout s'enchaîne. En tout cas, je vous conseille, avant de découvrir le quatrième volet que vous viendrez nous présenter, j'espère, ici, certainement, sur Arc-en-Ciel, qui sortira courant 2018. Oui. Enfin, quand même, on a quand même un mini-scoop. Il sort 2018. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Eh bien, je vous conseille d'aller découvrir l'ouvrage de Devlin Brighton, cette saga sortie aux éditions Baudelaire. Ça s'appelle « Je m'absente ». Deuxième volet, c'est « Un jour auquel je ne m'attendais pas ». Et on termine avec « Et si c'était arrivé ?» Mais on ne termine jamais puisque le quatrième volet sort, je rappelle, en 2018. Merci Evelyne d'avoir parlé si bien de ce château. Merci Evelyne. Merci. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles.